Audiomatique. C'est sur la musique de l'artiste américaine Chelsea Wolfe que s'ouvrait la transmission 491 d'Audiomatique de son plus récent album paru en février 2024 intitulé She Reaches Out to She Reaches Out to She. Nous avons écouté la pièce Whispers in the Echo Chamber. Et maintenant, c'est au tour de la collaboration entre l'artiste mexicain Rigo Polar et le duo mexicain Disto Disco d'assurer la continuité à Audiomatique. Nous avions droit à Audiomatic au groupe anglais Ride de son 7e et plus récent album Interplay, paru le 29 mars 2024. Nous vous avons présenté la chanson Essa Ouira. Précédemment à Ride, il s'agissait de la collaboration entre l'artiste mexicain Rigo Polar et le duo mexicain Disto Disco et leur composition Spaced Out Original Mix, extraite de leur plus récent mini-album Spaced Out EP, sorti le 26 février 2024. Sans plus tarder, écoutons maintenant Kraftwerk. Thank you. Audiomatique, nous venons d'entendre le projet québécois Space Project et sa pièce Beyond Orion, tirée du seul album Conquest of the Stars, qui est paru en 1978. Et avant Space Project, c'était la formation allemande bien connue Kraftwerk et la composition Home Computer, apparaissant sur l'album Computer World, publié en 1981. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec la collaboration entre le duo basé en Allemagne Local Suicide et l'artiste russe Velax. L'artiste américaine Adrienne Lenker, qui est également chanteuse du groupe Big Thief. De son sixième et plus récent album solo intitulé Bright Future et lancé le 22 mars 2024, nous entendions la chanson Evil. Tout juste avant, nous avions droit à l'artiste torontoise Avi C. Engel, qui nous interprétait la chanson The Oven Birds Song de son plus récent album Too Many Souls, paru le 23 février 2024. Et pour amorcer cette séquence, nous entendions la collaboration entre le duo basé en Allemagne Local Suicide et l'artiste russe Velax, qui s'incarnait à travers la pièce Keep Driving, extraite de leur mini-album Unorthodox Orthodox EP, qui sortira le 20 avril 2024. C'est sur la musique du projet français Westwind que se conclura cette transmission d'Audiomatique. La pièce que nous allons écouter, intitulée Destruction Time Again, se retrouve sur l'album double Ravage, paru en 2008. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour conclure Westwind et sa composition Destruction Time Again. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.